UMC sans blase. Putain de tâche de son, mec. Aïe, aïe, aïe, aïe. Nos lyrics pèsent des tonnes et on a les coups qu'il faut pour les assumer. Des tonnes pas sinon faut foutre le feu comme une allumette. On a les mains dans la merde alors qu'elles cherchent l'or, pas de chat. On est pas né dans la soie, plein de tasses comme Bachelor. Ici bas c'est chelou, c'est le bal des crapuleux. On danse avec les loups, les straps deviennent jaloux et cherchent à t'enculer. Est-ce que t'as lu les chroniques de ma génération? Je crois pas, parce que sinon tu serais pas là à renifler nos fions. Arrête de faire le lèche-cul, t'auras que dalle de fer. Chez nous c'est sectaire, viens pas croquer, on a une dalle de fer. Voilà du flow et du fond, en concentré sans trame, sans strass, on se place dans la zig pour percer ses entrailles. Je laisse le public en transe à chaque fois que j'entre en scène. Oui, ma vie est tracée dans le son, j'en ai même dans le sang. Toujours au B quand le sang me saigne ou s'enflamme. Demande à M si sans blase, à chaque saumon on fait les trucs on sans blase. On somme quand on tâche le son. Encore une balle dans les bacs, ça fait mal quand les MC ont le mental. Frangin, ne compare pas notre karma à la tienne. Ne compare pas nos frères aux tiens, les tiens sont à la traîne. C'est que t'as somme quand on tâche le son. Encore une balle dans les bacs, ça fait mal quand les MC ont le mental. Frangin, ne compare pas notre karma à la tienne. Ne compare pas nos frères aux tiens, les tiens sont à la traîne. On a tous des discours à faire canner nos vieux comme un temps de canicule. Celui à qui la rime plaît pas, je l'encule. On est venu se faire plaisir, claquer un 16. Alors MC sans blase donne la dose pour les sauces, les jeunes et les autres avec un sonotone. Même les sources s'étonnent de voir comment le son décolle. Pas sorti de l'école qu'on avait déjà écrit 1000 thèses. En refaisant le monde, on en avait fait 1000 fois le tour. Tout le monde était d'accord, donc on s'est mis en scène sans mise en scène. Quand Stelio a mis le poivre, moi j'ai mis le sel. On sait de quoi on parle ici, on n'a pas besoin de thème. On s'esquinte comme à l'usine, si si, on rappe à la chaîne. Pas comme des chiens, comme des hyènes, cousin. Entre mon rap et ta gueule, y'a pas de coussin. Solidaire comme deux scouts, entre nous y'a pas de coup bas. Être sur le ring jusqu'à la mort, le seul combat, seul combat. On sait que t'as le seum quand on tâche le son. Encore une balle dans les bacs, ça fait mal quand les MC ont le mental. Frangin, ne compare pas notre karma à la tienne. Ne compare pas nos frères aux tiens, les tiens sont à la traîne. On sait que t'as le seum quand on tâche le son. Encore une balle dans les bacs, ça fait mal quand les MC ont le mental. Frangin, ne compare pas notre karma à la tienne. Ne compare pas nos frères aux tiens, les tiens sont à la traîne.